Chapitre 13e. Un étranger se présente à Ongar Park. Le lecteur se souvient que Harry Clavering, en rentrant un soir chez lui, avait trouvé avec étonnement la carte du comte Pateroff, homme qu'il n'avait entendu nommer jusqu'ici que comme ayant été l'ami du défunt lord Ongar. Tout d'abord, il avait vaguement soupçonné que Lady Ongar et ce comte étranger nourrissaient en commun certains projets qui lui auraient été souverainement désagréables. Mais ses soupçons disparurent quand il apprit de Lady Ongar qu'elle n'avait pas vu le comte et quand elle le pria, au nom de leur amitié, d'avoir une entrevue avec cet homme. Il s'était prêté avec empressement à ce désir et avait attendu avec impatience la visite du comte. Mais celui-ci ne s'était pas encore présenté 3 semaines après le retour de Harry Clavering à Londres. Lady Ongar lui avait dit à ce sujet l'exacte vérité. Non seulement elle n'avait pas vu le comte, mais elle n'avait pas même correspondu avec lui. Elle avait appris d'une autre personne que le comte était à Londres et elle en avait alors informé son ami Clavering. La personne en question était la sœur du comte, une Madame Gordeloup, Sophie Gordeloup. C'était cette dame que Harry avait trouvée dans le salon de Lady Ongar la dernière fois qu'il l'avait vue à Bolton Street. Ce jour-là, il n'avait pas entendu prononcer son nom. Il ne savait même pas que le comte Pateroff fût à Londres ou comme membre de sa famille. Il y avait déjà 15 jours que Lady Ongar était à la campagne quand elle reçut la lettre de Madame Gordeloup. Celle-ci lui exprimait le plus vif désir que son frère pût avoir une entrevue avec Lady Ongar. Sa lettre écrite en français était des plus pressantes et beaucoup plus éloquentes que n'aurait pu l'être aucune missive semblable écrite en anglais par une Anglaise. L'insistance était en même temps moins offensante qu'elle n'eût pu le paraître en anglais. Il ne faudrait pas supposer néanmoins que cette lettre avait pour but d'appuyer les déclarations d'un homme amoureux. Bien loin de là, le comte y était nommé comme un ami, et un point que Sophie avait éloquemment développé était que le passé ne devait mettre aucun obstacle à une loyale amitié entre Lady Ongar et son frère. Peu importait ce que dirait le monde, ne savait-elle pas toutes les deux que le monde est un grand menteur? Encore à cette heure, le monde répétait d'infâmes calomnies sur le compte de sa chère Julie. Pourquoi donc s'inquiéter de ce que disait le monde, puisqu'il n'y avait pas moyen d'en attendre tant soit peu de justice et de vérité? Mais Lady Ongar, bien que sans avoir la moitié de l'âge de Madame Gordeloup, savait aussi bien ce qu'elle avait à faire que cette éloquente dame. Lady Ongar avait connu en France et en Italie la sœur du comte et avait pu pleinement l'apprécier grâce à cette intimité soudaine qui s'établit facilement entre les Anglais à l'étranger. Et elle avait été heureuse de revoir Sophie à Londres, beaucoup plus heureuse même que si elle s'était vue accueillie par une foule d'amis de son propre pays. Malgré tout cela, elle n'était pas le moins du monde disposée à suivre pour sa ligne de conduite les avis de Sophie Gordeloup, surtout quand ces avis concernaient le frère de Sophie elle-même. Elle avait donc répondu très brièvement à sa prolixe épître, n'avait fait qu'une vague allusion à sa demande, et ayant ses idées à elle, avait fait prier le comte Pateroff de passer chez Harry Clavering. Le comte ne se souciait que très médiocrement de Clavering, mais pour se conformer aux vœux de Lady Ongar, il avait déposé sa carte chez lui. Pourquoi Lady Ongar désirait-elle si fort mettre en rapport le jeune homme qui était son ami et l'homme qui avait été l'ami de son mari et dont le nom avait été si tristement accouplé au sien? Elle avait appelé Harry son ami et peut-être voulait-elle lui donner l'occasion de vérifier l'exactitude du récit qu'elle lui avait fait. Certains de nos lecteurs n'auront peut-être cru ni au récit ni à l'amitié de Lady Ongar. Eh bien, ils se trompent et lui font injure. Cette femme n'était pas dépourvue de cœur, parce qu'elle avait une fois, à un moment critique de sa vie, étouffé les vrais sentiments de son cœur. Elle n'était pas fausse parce qu'elle avait une fois trompé un homme, ni tout à fait méprisable parce qu'elle s'était persuadée autrefois que pour une femme de sa condition, la richesse était une nécessité. Il était possible qu'elle n'obtînt pas du monde le pardon de sa faute, mais aux yeux d'un juge plus équitable, elle saurait le mériter. Tout en se promenant au milieu des bosquets d'Ongar Park, elle songeait souvent aux allées du parc de Clavering et aux promenades qu'elle y avait faites, mais non pas seule. Et elle se rappelait cette entrevue dans le jardin pendant laquelle elle avait travaillé et réussi, croyait-elle, à faire comprendre à Harry que puisqu'ils étaient pauvres tous les deux, ils ne pouvaient ni s'aimer mutuellement ni s'épouser. Ses souvenirs avaient aussi occupé sa pensée pendant qu'elle revenait triste et seule en Angleterre. Elle y pensait encore au moment même où elle avait revu Harry et lui avait témoigné tant de froideur sur la chaussée de la gare, alors qu'elle avait renvoyé tout chagrin et boudeur parce qu'il se croyait dédaigné par elle. Elle y avait pensé encore le jour où, assise dans son salon à Londres, elle lui avait raconté les terribles épisodes de sa vie conjugale, tenant ses yeux fixés sur lui et sa tête appuyée sur ses deux mains. Encore à ce moment, elle se demandait si Harry croyait à son récit, ou si, dans le fond de son cœur, il la jugeait méprisable et trompeuse. Sans doute, elle avait été fausse pour lui, et il avait dû la mépriser quand, au nom de sa philosophie mercenaire, elle avait essayé de justifier sa perfidie. Alors, il l'avait traitée de coquette, et le mot n'avait provoqué chez elle qu'un sourire. Ne lui donnait-il pas maintenant un nom plus méprisant dans le fond de son cœur? Et si elle parvenait à le convaincre qu'elle ne méritait pas cet excès de sévérité, pourrait-elle faire revivre le passé? Consentirait-il à se promener de nouveau avec elle? Et chercherait-il, comme autrefois, à lire dans ses yeux l'expression de ses désirs pour se déclarer son esclave soumis et obéissant? Elle était veuve, il est vrai, et avait déjà vu bien des choses, mais cependant, elle n'avait pas encore atteint sa 26e année. Déjà, les jouissances de son opulente résidence avaient perdu tout attrait pour elle. Mais elle pourrait encore y trouver quelques charmes, s'il voulait seulement venir les partager avec elle. Elle se plaignit avec raison de la froideur du monde à son égard. Mais, pensait-elle, elle serait bien indifférente aux sentiments du monde entier si elle avait auprès d'elle le seul homme qu'elle pût aimer et qu'il voulut l'aimer aussi. Elle l'avait aimé jadis, à une époque qui lui paraissait déjà lointaine, et alors elle lui avait avoué son amour. Tout reculé qu'était cette époque, il était impossible qu'il n'eût pu pas, lui aussi, garder le souvenir. Elle n'avait aimé que lui. Jamais elle n'avait prétendu aimer personne d'autre, et jamais un autre homme ne lui avait offert son amour. Entre elle et l'être misérable à qui elle s'était vendue, qui était à demi-mort quand elle l'avait connu, il n'y avait pas même existé un semblant d'amour. Harry Clavering, au contraire, possédait toutes les qualités qu'elle appréciait, et en même temps aussi, il avait les petits défauts qui l'empêchaient d'être trop parfait, pour une créature aussi frêle qu'elle se savait. Harry, jadis blessé au vif, l'avait traité de coquette et d'infidèle, mais cependant, il était possible qu'elle parvint un jour à regagner son cœur. Il ne faudrait pas croire que, depuis son retour en Angleterre, elle eût été absorbée par cette même préoccupation, par le désir de renouer la chaîne interrompue de ses premières amours. À de certains moments, elle s'était dit qu'elle continuerait de suivre la voie où sa destinée l'avait engagée, et qu'à défaut de bonheur, elle tâcherait de trouver le contentement dans les biens qui lui étaient échus. Puis d'autres fois, elle sentait la tristesse qui s'emparait d'elle, et elle se disait qu'elle ne pourrait plus goûter aucune joie dans ce monde. Elle se regardait dans la glace et se trouvait défigurée et vieillie. Harry, se disait-elle, était le dernier homme qui voulut se vendre pour de l'argent quand une fois l'amour était parti. Il n'était pas capable de faire ce qu'elle-même avait fait. Pour tout l'or du monde, il ne consentirait pas à s'unir à une femme qui s'était avilie et dont la réputation avait été souillée. En le jugeant ainsi, elle lui rendait justice, bien que sur d'autres points elle l'estimât peut-être au-dessus de sa valeur. Quant à Florence Burton, elle n'en avait pas encore entendu parler, et eût-elle connu ce qui s'était passé entre elle et Harry, elle n'eût pas voulu pour cela renoncer à la partie. Au milieu de ses pensées et de ses espérances, elle avait écrit à Harry, le priant de voir cet homme qui l'avait suivi, elle ne savait pourquoi, d'Italie en Angleterre, et elle avait dit à Sophie Gordeloup qu'elle ne pouvait voir son frère parce qu'elle était absente de Londres et seule dans une maison de campagne. Un matin, elle se trouvait toute seule assise dans sa chambre à coucher, repassant sa mélancolique histoire et songeant au désenchantement de sa condition présente, quand un domestique vint lui dire qu'un visiteur se trouvait dans le vestibule et demandait à lui parler. Le domestique avait à la main la carte de l'étranger, mais avant qu'il eût pu lire le nom, son visage s'empourpra à la pensée que ce visiteur devait être Harry Clavering. Elle eut un éclair de joie, mais réfléchit aussitôt qu'il ne fallait pas le laisser voir. En effet, elle n'était veuve que depuis 4 mois, et il n'aurait pas dû venir la voir à la campagne. Elle allait donc le recevoir et lui donner à entendre qu'il s'était trop pressé tout en se montrant gracieuse à son égard. Ses regards tombèrent alors sur la carte, et à son amer désappointement, elle vit qu'elle portait le nom du comte Pateroff. Pensait-on qu'elle se laisserait prendre de cette manière? Quoi qu'il pût arriver, elle ne donnerait pas ainsi dans le piège tendu par Sophie Gordeloup ou par son frère. « Dites à ce monsieur, répondit-elle en remettant la carte domestique, que je le regrette bien vivement, mais que je ne puis recevoir personne en ce moment. » Le domestique s'éloigna, et elle se rassit, se demandant si le comte insisterait pour être auprès d'elle. Elle sentit instinctivement qu'elle avait lieu de redouter cet homme. Tout ce qu'on avait dit sur leur prétendue relation était pure calomnie, mais il s'était passé entre Lord Dongar et cet homme des choses qu'elle n'aurait pas voulu voir divulguer en Angleterre. Le comte avait été toujours courtois envers elle et généreux, même dans une certaine circonstance. Pourtant, elle le craignait. Elle aurait préféré de beaucoup le voir rester en Italie. Quand Sophie était venue la trouver dans son appartement solitaire de Bolton Street, elle l'avait accueillie, mais elle n'avait pas volontiers renoué avec elle son ancienne amitié. Quant à son frère, elle ne voulait avoir absolument aucun rapport avec lui, dût-il même s'introduire de force dans son appartement. Il s'écoula quelques minutes avant le retour du domestique qui rapporta un billet. Dès que la porte s'ouvrit, Lady Ongar se leva, prête à quitter la pièce par une autre issue, et elle prit le billet qui contenait ces mots. « Je ne puis comprendre pourquoi vous refusez de me voir et j'en suis affligé. Ma seule intention était de vous parler au sujet d'affaires particulières et de papiers qui ont appartenu à Lord Ongar. J'aime à espérer que vous me recevrez, Pater Off. » Elle eut ces mots en restant debout et se demanda avec anxiété ce qu'elle devait faire. Quant au prétexte des papiers de Lord Ongar, elle n'y ajoutait aucune foi. Lord Ongar n'avait pu laisser aucun papier qui pût l'intéresser au point de lui faire désirer voir cet homme et causer avec lui sur ce sujet. Lord Ongar, bien qu'elle l'eût soigné jusqu'à son dernier moment, avait été son plus cruel ennemi. Quant au comte lui-même, il avait montré qu'il y avait de bons côtés dans sa nature, mais elle savait aussi qu'il était intrigant et peut-être joignait-il la fausseté à l'intrigue. C'était un homme dangereux qui pouvait par hasard faire une bonne action, mais qui s'attendrait à en recevoir la récompense. En outre, n'avait-on pas dit tout haut qu'il était son amant? Elle lui écrivit donc ce qui suit. « Lady Ongar présente ses compliments au comte Pater Off, mais il lui est impossible de le recevoir en ce moment. » Le comte, après avoir lu cette réponse, s'éloigna, sans témoigner devant le domestique aucun dépit. Le même soir, Lady Ongar reçut de lui une longue lettre qu'il avait écrite à l'auberge voisine, où il lui reprochait sa conduite envers lui et finissait par ces mots « Il est désormais impossible que nous soyons étrangers l'un à l'autre. » « Pourquoi donc impossible ? » dit-elle presque tout haut. « Je n'en vois pas du tout la raison. » Puis elle brûla soigneusement la lettre et le billet du comte. Lady Ongar passa plus de 6 semaines à Ongar Park, et dans les premiers jours de mai, elle retourna à Londres. Nul ne lui avait rendu visite, excepté M. Sturm, le ministre de la paroisse, et bien qu'une espèce d'intimité se fût établie entre elle et lui, il ne lui avait jamais encore parlé de sa femme. Peut-être était-ce son rang qui retenait la femme du clergyman. Dans ce cas-là, n'y avait-il pas lieu de mettre de côté les règles de l'étiquette? La comtesse elle-même, étrangère à la localité, ne devait-elle pas rendre la première visite à la femme d'un ministre? Elle se disait cela, mais elle n'osait agir comme elle aurait agi, si sa réputation eût été sans aucune souillure. Elle ne fit donc aucune avance. Elle s'abstint de prononcer le nom de Mrs. Sturm, et pourtant, il eût été si doux d'entendre une bonne parole prononcée par une femme. Elle n'en ressentit aucun dépit contre le ministre et remplit ses devoirs dans la paroisse tout en le remerciant de son assistance. Elle n'avait eu que de rares entrevues avec son intendant, M. Giles, et depuis sa mésaventure au sujet d'Enor Gabby, elle avait renoncé à semer les dégâts des personnes employées dans la maison. Elle avait pénétré dans la maison des pauvres, mais elle s'était imaginé qu'il ne la voyait pas avec plaisir. Peut-être, eux aussi, avait-il entendu les rapports calomnieux qui couraient sur son compte. Et peut-être, la fille de Gabi s'était-elle applaudie de ce qu'il y avait dans la paroisse une femme aussi dépravée qu'elle, sinon pire. L'opulente châtelaine avait voulu faire de Mrs. Button une messagère de charité chargée de porter ses aumônes aux pauvres. Mais Mrs. Button avait refusé péremptoirement de s'y prêter et se bornait, comme sa maîtresse l'a pris ensuite, à faire de son côté ses bonnes œuvres parmi les pauvres de la paroisse. Au bout de 15 jours, Lady Ongar en avait assez de son parc et de sa belle résidence. Elle était lasse de regarder les chevaux et les bœufs, et ne trouvait plus aucun charme aux jolis ruisseaux limpides que ridait la brise printanière et qui murmurait si gaiement au pied des vertes pelouses de son jardin. Elle avait résolu de se trouver à Londres au commencement de mai, pour y voir son homme d'affaires et malheureusement, elle avait fait part de son intention à Madame Gordeloup. 4 ou 5 jours avant qu'elle fût de retour dans Bolton Street, son ami, servi par une mémoire admirable, lui écrivit pour lui offrir tous les services que pouvait inspirer l'amitié la plus zélée. Devait-elle aller au-devant de sa chère Julie à la gare? Fallait-il amener une voiture particulière? Devait-elle donner des ordres pour le dîner dans son appartement? Sans aucun doute, elle se présenterait chez elle, si elle n'allait pas à la gare. Les soirées étaient encore fraîches. Elle aurait soin de faire allumer du feu dans les pièces. Ne ferait-elle pas bien de commander une volaille rôtie, des riz de veau et un peu de champagne? Pouvait-elle prendre la liberté de s'inviter à dîner? Sa lettre ne contenait pas la moindre allusion à l'indiscrétion de son frère ou au dépit qu'il avait pu ressentir. Comme on le pense bien, l'officieuse franco-polonaise se trouva dans Bolton Street, car Lady Ongar n'avait pu l'en empêcher. C'était une petite femme, sèche, alerte, aux yeux vifs, aux lèvres minces, au nez petit et bien modelé, au front moyen, et dont les cheveux peu abondants du reste étaient ramassés sur le derrière de la tête. Bien que déjà usée, elle était presque agréable à force de pétulance et de vivacité. Sophie Gordeloup, avec ses 50 ans, avait conservé l'agilité et la souplesse d'une femme de 25 ans. Le dîner fut servi comme elle l'avait proposé. Tout était excellent, car Sophie aimait les mets délicats et s'arrangeait de façon à satisfaire ses goûts, tout en paraissant consulter ceux des autres. Lady Ongar éprouva quelques consolations à sentir qu'elle n'était pas seule. Mais cela ne pouvait lui rendre la joie et le bonheur. Quand Sophie l'eut quittée, à 10 heures du soir, pour se retirer dans son appartement de Mount Street, Lady Ongar, après quelques instants de réflexion, s'assit pour écrire ce qui suit à Harry Clavering. « Cher Harry, je suis de retour en ville. Je vous en prie, venez me voir demain dans la soirée. Tout à vous, Julie Ongar. »